Racine de Moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, bien, je vous propose aujourd'hui d'écouter Célia Isoar qui a donné un article dans l'ouvrage collectif Les Ludites en France, résistance à l'industrialisation et à l'informatisation, un livre paru aux éditions L'Échappée en 2010 dans la collection Frankenstein. C'est un gros bouquin collectif donc avec énormément d'articles sur les résistances à l'industrialisation. Et Célia Isoar a écrit l'article « L'informatisation entre mise à feu et résignation ». Dans cet article, il est question du Clodo. C'est un mystérieux comité pour la liquidation ou le détournement des ordinateurs qui, dans la région de Toulouse, entre 1980 et 1983, a fait la une des journaux en mettant le feu à différentes usines d'informatique. Et donc, Célia Isoar va nous raconter un petit peu toute cette histoire et présenter aussi cet ouvrage, donc Les Ludites en France. C'est une émission qui a été enregistrée en février 2011 par la radio Toulousaine, Canal Sud. Et donc tout de suite, je laisse la parole à Célia Isoar. Donc l'idée de ce livre, il est paru à L'Échappée en 2010, s'appelle Les Ludites en France, et l'idée de ce bouquin, c'était de mettre ensemble les récits concernant différentes luttes qui ont tout en commun d'être des tentatives dans l'histoire d'arrêter le progrès. Alors, peut-être avant de rentrer dans le détail, peut-être on peut repréciser ce que sont les ludites. Alors oui, bien sûr. Les ludites, le nom vient de ces gens qui se sont opposés à l'industrialisation au tout début, c'est-à-dire au début du 19e siècle en Angleterre. S'ils s'appellent ludites, c'est parce que ils avaient une belle invention, c'était d'être des gens qui luttaient pour un général imaginaire. Ils avaient un chef imaginaire qui a d'ailleurs été beaucoup poursuivi par toutes les polices anglaises avant qu'ils s'aperçoivent qu'en fait il n'existait pas. Et donc ils l'appelaient le général Lude, L-U-D, avec deux D. Et donc d'où les ludites. Ensuite le mot ludite est passé dans la langue, notamment la langue anglaise. Il est employé même couramment pour désigner de manière péjorative des opposants aux technologies, des obscurantistes, des gens qui refusent le progrès. C'est-à-dire que les ludites, ils sont passés à l'histoire de manière péjorative, mais d'une part par les amis du progrès, mais de droite et de gauche. Tout à fait. C'est-à-dire que toutes les idéologies progressistes, de tendance marxiste, même au sens large, ont vu ça comme la tentative désespérée, oui, d'obscurantistes pour s'opposer à la marche de la libération de l'humanité. Et justement, enfin, l'idée de ce livre et des autres livres d'ailleurs qui sont parus sur la question, puisque récemment il y en a eu beaucoup et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est de réhabiliter une tradition politique. Puisque, effectivement, nous, on a toujours connu la gauche qui est la gauche d'un héritage marxiste et donc une gauche qui considère que les forces productives doivent toujours s'accroître et que ensuite ça permettra de vaincre les contradictions du capitalisme et de redistribuer les fruits de ce travail équitablement au mieux, etc. Alors que la tradition politique ludite, si tant est qu'il y en a une, mais on propose de dire que oui, effectivement, il y en a une. Elle est sous-jacente, c'est une sorte de tradition cachée. C'est de casser la machine. Et c'est de refuser le jeu de l'industrialisation, c'est-à-dire cette espèce de chantage qui dit le progrès, pour l'instant c'est dur, mais demain ça ira mieux, vous verrez, ce sera le progrès avec un grand P. Et donc continuez à travailler, un jour vous aurez votre récompense. Donc les actions originelles donc, des ludites, ça a été de s'attaquer à ces premières machines de manière très concrète pour le coup, quoi. Voilà. Un coup de masse. Donc c'était... C'était pas vraiment des militants professionnels, il y avait ça aussi, mais c'était surtout des révoltes populaires contre les nouveaux métiers à tisser et contre le système de l'usine en général, donc et ces nouvelles législations libérales qui permettaient, par exemple, de faire travailler plus de 10 personnes sous le même toit, alors qu'avant c'était interdit, puisque le travail était régi par les corporations. Donc un système très ancien et très lourd, avec aussi beaucoup de défauts, bien sûr, mais en tout cas qui permettait pas la libéralisation et ses gains de productivité. C'est important ce que tu dis là, c'est pas un mouvement philosophique, c'est un mouvement en particulier de petits artisans ou de gens issus de ruraux qui s'opposent à l'arrivée de l'usine et donc à leur prolétarisation. Oui, exactement. On peut dire ça comme ça. C'est des gens qui savent où est leur intérêt immédiat. C'est des gens qui considèrent que, et c'est vraiment un enjeu même autour du mot technique. C'est-à-dire, moi j'ai lu des lettres par exemple des tisseurs au 19e siècle qui écrivent, qui pétitionnent au Parlement en disant « La technique c'est nous, la technique c'est pas les machines, vous voulez transférer la technique aux machines ». Et ils leur disent, ils leur font une espèce de leçon d'économie politique en leur disant, mais vous, vous dites qu'il faut produire plus grâce à ces nouvelles machines, que les marchés vont sans cesse s'étendre, etc. Et nous, on vous dit, si vous transférez la technique, c'est-à-dire nous et notre savoir-faire, notre école, en quelque sorte, notre tradition, à ces machines, vous allez vous faire doubler puisque les autres pays vont copier vos machines et que ce sera une guerre économique insensée. Alors, c'était ça un peu le débat. Et d'où aussi l'émergence de ce qu'on appelle la technologie. Puisque la technologie, finalement, qu'est-ce que c'est si c'est pas la technique transférée aux machines, passant de la personne détentrice d'un savoir-faire, ou d'une école, disons, détentrice d'un savoir-faire, à des machines. Et donc, lorsque ce collectif que vous êtes fait cet ouvrage qui s'appelle Les Ludites en France, vous partez aussi depuis, j'imagine que vous ne remontez pas aux canuts, enfin, les canuts lyonnais sont-ils les ludites, ça c'est encore une autre histoire, mais j'imagine que c'est pas d'un point de vue historique, ou enfin, quels sont les différents sujets traités dans ce bouquin? Alors, si, ça remonte assez haut, ça remonte si. À... Il y a des luttes... Bon, je te laisse. Donc on peut dire que ce bouquin, ça a été plusieurs textes écrits par plusieurs personnes. Oui, c'est pas un collectif politique. Hein. Donc il y a un texte qui s'appelle par exemple « On arrête parfois le progrès », écrit par Cédric Biagini et Guillaume Carlino. Un autre texte qui s'appelle « Vaucanson ou le prototype de l'ingénieur », écrit par Olivier Serre, à propos des bris de machines textiles à Rouen pendant l'été 1789, Jean-Pierre Aline. Bon, le premier est une grande introduction. Voilà, après, il y a plusieurs choses. Il y a des choses aussi sur les révoltes dans l'imprimerie, sur la mécanisation, l'automatisation dans l'imprimerie. Puis évidemment, il y a des sauts. Hein. Il y a même un texte sur le refus du train. Donc si on continue, un texte sur le mouvement ludite en France de Franck E. et Manuel, Les ouvriers et machines au 19e siècle de Michel Perrault, Refuser de se laisser ferrer de François Jarige, Les luttes contre les OGM donc de Christophe Bonneuil, Passage dissident ou Paysage high-tech, donc c'est toi qui l'as écrit celui-là? Alors oui, en fait, dans le livre tel qu'il est sorti, il s'appelle... Le Clodo. Le Clodo. L'informatisation entre mise à feu et résignation. Du coup, peut-être on va reparler après de qui se revendique aujourd'hui de ludite ou quoi, mais je pense que ça peut être un point important de raconter qu'on est assez loin, en fait, dans ce qui se défend dans ces mouvances-là, du développement durable, de toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est assez... Mais je pense qu'un des préalables au mouvement ludite, enfin, historiquement, en tout cas, c'était le cas, c'était le refus d'une croissance indéfinie et le refus d'un projet de productivité indéfinie, très clairement. Donc, tout ce qui est perspective de développement avec ce que ça suppose en régime capitaliste, c'était exclu. Puisque, en principe, voilà, c'était l'idée de limite. C'est les gens qui ne négocient pas, en quelque sorte. Qui ne négocient pas, en tout cas, si, en fait, parce qu'il y a beaucoup de tendances diverses. Et Bonneuil, dans son texte, il le montre assez bien. Au 19e siècle, il y avait des gens qui négociaient au sens où qui passaient par la voie légale, la voie juridique, pour essayer d'obtenir ce qu'ils voulaient. Et puis quand ils pouvaient pas, ils se mettaient tout simplement à casser les machines. Mais en tout cas, qui ont refusé d'emblée ce qui s'appelait à l'époque la nouvelle économie, c'est-à-dire une économie fondée sur la croissance perpétuelle et dans le libéralisme, en fait. Le démantèlement de tout ce qui était l'édifice technique qui n'était pas détenu par le marché. Et donc dans cet ouvrage collectif, la ligne de fracture que vous faites, c'est entre la méfiance, sinon le refus de la technologisation, de la dépossession de l'être humain, Et de notre côté, la tradition syndicale qu'on a par exemple en France, qui consiste à dire on occupe l'usine et les gars, mais on ne touche pas aux machines, elles sont à nous. Exactement. Voilà, donc par exemple dans ce texte sur le clodo, je cite des choses que j'ai trouvées, parce que c'est un travail que j'ai fait uniquement avec les archives de la presse, hein, plus ou moins, toutes sortes de presse, mais en tout cas c'était vraiment un travail d'archives. Et là-dedans, j'ai trouvé énormément de choses, notamment dans les journaux communistes, dans l'Humanité, etc., des espèces de leçons de choses qui étaient faites par les syndicalistes, donc de tradition marxiste, hein, CGT, PC, aux ouvriers. Les ouvriers arrivaient en disant bah, « Écoutez, là, avec ces nouvelles machines, l'informatisation, on nous avait dit que notre travail deviendrait plus intéressant, qu'on aurait moins de tâches pénibles à faire, et en fait, c'est pas vrai, parce que la machine fait le boulot le plus intéressant, nous, derrière, on corrige, mais en fait, c'est tout aussi routinier, c'est même pire. » Et là-dedans, il y a par exemple une espèce de conférence, un événement atelier organisé par les communistes, où ils font la leçon à ces travailleurs en leur disant « Mais est-ce que quelqu'un a déjà vu un robot licencier un travailleur ?» Et l'événement d'ailleurs s'appelait « Les robots ne licencient pas ». Et il fallait montrer aux travailleurs que non, non, non, le problème c'était pas ça. Et dans le texte, je cite ce truc, il est écrit explicitement « Chacun était reparti avec le sentiment que le problème ne venait pas des machines, mais qu'il revenait à chacun de s'occuper de sa propre vie et de prendre en main sa carrière professionnelle. » Alors, on parle de quelle année, là, quand le parti ou la CGT venait donner ses leçons ? La période que je couvre, c'est en gros 60-80. 83, puisque ça c'est les dernières actions du clodo. Donc juste pour préciser, parce qu'on l'a pas encore dit, donc le clodo c'était le comité pour la liquidation ou le détournement des ordinateurs. Donc des gens qui s'attaquaient à la télématique, comme on disait à l'époque. Ou même à l'informatique, parce que le terme existe depuis les années 60 en fait. On parlait d'automation pour désigner, disons, l'automatisation en milieu industriel dans les usines. Et plus généralement, on parlait d'informatisation, surtout quand ça a gagné le secteur tertiaire. Et donc, au tout début des années 80, il y a ce groupe qui signe des actions clodo. Alors, ça, c'était tout l'intérêt de faire cette soirée, cette émission, d'en parler ici, puisque c'est une histoire proprement toulousaine, puisque clodo, donc Comité pour la liquidation des tournements des ordinateurs, est un groupe toulousain qui s'est attaqué de manière assez systématique aux usines ou aux entreprises d'informatique de la région toulousaine entre 1980 et 1983, avec des actions, évidemment, avec notre regard d'aujourd'hui, pour nous, hallucinantes, puisqu'il s'agissait de rien de moins que de mettre le feu à ces usines, de les faire exploser parfois, une sorte d'attentat qui coûtait des centaines de millions de francs. De mettre des grains de sable dans les rouages, quoi, d'un système informatique qui allait en se développant à ce moment-là, c'est ça? Voilà, et donc des actions dans une tradition assez très liée au milieu, à ce qui se faisait aussi à l'époque, c'est-à-dire de non-violence, parce qu'on appelait la non-violence, c'était le fait de ne pas s'attaquer à des personnes. C'est bien de le rappeler, ça. Mais c'est dit par les flics, d'ailleurs, tu cites des interviews dans le bouquin de flics. Oui, ça m'a beaucoup amusé, en fait. Ils voilà, il y a telle boîte informatique qui a explosé, c'est une action non-violente, ils ont fait gaffe à ne pas faire de victimes, etc. Je les trouve très détendus, les flics de l'époque. Autant les gens qui sont engagés à l'époque, ils n'arrêtent pas de taper sur la dépêche, ils n'arrêtent pas de taper sur la police, et c'est bien normal. Autant avec le recul. Et vu la société qu'on connaît maintenant, moi j'ai trouvé très détendu. Ils disaient oui, bon, écoutez, tant qu'on les a pas pris avec une allumette à la main, on va pas non plus faire des histoires. Le mieux c'est d'attendre. De toute façon, c'est aux boîtes d'informatique de se payer des vigiles. Et voilà. Et ils disaient aussi, c'est des actions symboliques. Mais le clodo, c'est quand même attaqué à la préfecture. Voilà, ça c'était une des dernières actions. Donc faire exploser le centre informatique de la préfecture de Haute-Garonne avec des explosifs. Et là aussi, c'était une forme de dialogue. Donc le clodo, c'était un groupe discret. On ne sait pas qui c'est. Un groupe très discret, on ne sait pas qui c'est. Et personne ne s'est fait attraper. Voilà. Ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils étaient des informaticiens, pour partie. Et ils disaient, nous sommes donc bien placés en tant qu'informaticiens pour savoir à quoi sert l'informatique aujourd'hui, c'est-à-dire en 80. Et donc à exploiter, à ficher, à contrôler. Il disait l'informatique sert les dominations. Et donc, c'était aussi une manière de remettre en question, ça j'en parle beaucoup, toute l'euphorie de l'époque, puis il y a vraiment un discours complètement mystique sur le progrès, la révolution informatique. Et ce qu'il faut bien voir, enfin, en tout cas, moi, c'est l'idée que je défends, c'est que, à un moment donné, enfin, on était dans une période cruciale, c'était 70, 75, c'était vraiment un moment où il y avait une effervescence politique dans le monde entier, en France aussi, les choses, on avait quand même le sentiment, à mon avis, que les choses pouvaient changer. Et est-ce que la révolution informatique a pas pris le pas sur la révolution tout court? Parce que je trouve que dans les milieux des gens qui étaient engagés, c'est vraiment quelque chose qui s'est infiltré là de manière insidieuse, on l'a pas trop vu venir. Et pourtant, quand on regarde la presse, c'était écrit partout. J'ai des articles de 1968 où il y a écrit « Demain, l'ordinateur sera partout ». Mais même chez les révolutionnaires, il y a des articles, y compris de gens complètement allumés aux États-Unis, qui étaient proches de mouvements révolutionnaires, qui disaient « Mais ça va nous libérer ». Ça arrive, on va en prendre le contrôle et ça va nous libérer. C'est encore des choses qu'on nous raconte aujourd'hui. Enfin, ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, à chaque fois on dit « Ah, ça va être dur pour la révolte de s'organiser, il n'y a plus d'ordinateur, etc. » Il n'y a plus d'internet. Enfin, voilà, on a l'impression qu'il y a quand même toujours besoin d'avoir un discours positif sur les effets de l'informatique. Oui, d'ailleurs, on ne peut pas faire comme s'il y avait un consensus là-dessus. Enfin, je pense que c'est une vraie question. On est obligé de la poser. C'est pas évident que ce soit uniquement... un outil de soumission systématiquement, mais c'est loin d'être évident aussi que c'est une force de libération. Mais en tout cas, à l'époque, c'était assez divisé, parce que moi, je trouve, dans Libération, en 70-75, des articles très très intéressants, notamment ceux de Jules Vannes, qui avait une chronique à l'époque, qui explique que ces machines à haute concentration technologique, elles engagent nécessairement une dépendance vis-à-vis de l'État et des multinationales, et que plus on en est dépendant, plus on est intégré à un système économique qui est celui-là. Et donc il y a quand même de la critique, elle est intéressante, elle est puissante, elle est toujours pertinente aujourd'hui. Et en même temps, il y a ce fond gauchiste, en tout cas de se dire oui mais non, les machines sont neutres, on peut les utiliser pour le meilleur et pour le pire. Et ça mérite d'être discuté, ça je pense qu'il faut vraiment approfondir cette question-là, parce que par exemple, il y a cette revue à l'époque qui est une des premières revues critiques de l'informatique qui s'appelle Terminal. Et elle existe toujours, cette revue. Et eux, ils sont vrais. D'ailleurs, le titre original, c'est Terminal 1984. Mmh. Et eux, ils sont passés d'une critique type Clodo. On veut pas plus d'informatique que de nucléaire. Mmh. À un intérêt, finalement, bon teint pour l'informatisation, avec attention aux dérives. Heureusement qu'il y a la CNIL. Enfin. Bon, ils ont beaucoup critiqué le fichage, ils continuent à le faire, mais c'est quand même pas du tout la même perspective. Et ça suit un peu le cheminement de l'époque aussi. Et c'est pas non plus du tout, je crois, même en termes individuels, la même dépendance à des machines aussi qui sont devenues des trucs complètement intégrés à nos vies. Enfin, je pense dans les années 80, il y a une possibilité d'avoir une critique sans être dans l'utilisation. Enfin, en particulier le Clodo, là, c'est des informaticiens pour une part d'entre eux, donc avec quand même une utilisation de l'outil. Mais sinon, c'est pas dans les années 80, l'informatique est pas présente partout, il est pas dans toutes les maisons, ou s'il est dans les maisons, c'est pour jouer au ping-pong. Et on commence à dire que c'est génial, si, il faut absolument l'avoir dans son salon parce qu'on pourra jouer au ping-pong. Justement, moi j'étais très étonnée de voir dans cette presse énormément d'articles qui disaient explicitement « on est bien embêté », surtout des articles en fait de par exemple dans l'Humanité, un journal communiste. « On est bien embêté parce qu'on voudrait offrir l'informatique au peuple, on voudrait que l'informatique soit... populaire, décentralisé, et on essaie de discuter de ça avec des gens, des familles, mais ils en veulent pas. En fait, ils savent pas quoi en faire. Ils voient pas du tout à quoi ça peut servir. Et il y a cet article fabuleux de José Talia dans Le Nouvel Observateur, et elle dit exactement ça, c'est-à-dire les Français ne savent pas quoi demander. Est-ce qu'ils veulent qu'on leur envoie des pages d'annuaire directement à la maison? Est-ce qu'ils veulent les horaires de train? En fait, ils demandent rien. Il n'y a pas de demande. Le truc qui a été inventé dans ces années-là, mais un peu après 83, qui a pour familiariser les Français, ça a été le Minitel. Au début des années 80, donc, la distribution gratuite de terminaux Minitel dans les foyers, ce qui est très clairement une opération de conditionnement et de propagande par le fait. Qui, donc, comme je dis, qui a mis à la disposition des Français la pornographie de masse, enfin, surtout, comme ça que ça a marché, oui, et vraiment un recoupement avec Internet, surtout, ouais. Qui a permis de faire entrer ces usages-là et cette nécessité-là Est-ce que par exemple c'était quelque chose déjà qui était dans les tuyaux, l'histoire d'internet, etc., et du coup la possibilité d'échange d'informations, parce que sinon les ordinateurs au démarrage c'était pas des outils qui avaient vocation à faire discuter des gens entre eux, ou en tout cas à transmettre de l'information, mais c'était plutôt des trucs pour manager une machine, pour écrire un texte, pour... C'est-à-dire ça, la communication a peut-être démarré avec la libération d'internet, qui était le système de communication du Pentagone et de la CIA à l'époque où les gens avaient le téléphone. Effectivement, mais dès 66, je cite un article des Échos qui parle des ordinateurs, qui dit les magiciennes, et il dit déjà avec elles on pourra tout faire, on pourra composer de la musique, consulter les informations. Donc il y a déjà quand même cette idée. Mais ce qui est très frappant, c'est que l'idée d'internet, moi j'ai trouvé un article qui m'a fait beaucoup rire, l'idée d'internet en 79 par exemple, c'était une sorte de repoussoir. Et je vais vous citer une petite anecdote qui est assez drôle. C'est en septembre 79, il y a eu un grand colloque sur informatique et liberté. Voilà le colloque qu'on trouve aujourd'hui comme sur les nanotechnologies, c'est-à-dire pour montrer qu'on prend en compte les résistances, qu'on prend en compte les inquiétudes et qu'on va quand même trouver un terrain de compromis raisonnable. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes diverses, il y a eu des grèves avant 79, notamment des dactylographes de Nantes qui sont mises en grève parce qu'elles refusaient de travailler sur un écran, il y a eu plusieurs grèves dans le milieu de la presse, les gens qui saisissaient les textes refusaient aussi de travailler avec l'ordinateur, il y a eu des grèves et des mouvements de protestation dans le secteur de l'aide sociale, contre déjà des projets de fichage. Et dans tout le secteur industriel, il y a une espèce de grogne larvée qui est là, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cet éternel débat avec les syndicalistes qui disent « oui, c'est vrai, l'informatique, ça pose problème, l'automatisation, ça pose problème, mais en même temps, c'est le progrès ». Et puis, il y a des intellectuels aussi qui critiquent l'informatique, François Châtelet, Ivan Illich, des gens qui sont quand même respectés. François Châtelet, par exemple, qui écrit à l'époque un article qui s'appelle « Est-ce grave le temps perdu ?» et qui montre déjà qu'on risque de passer dans une société où le règne de la gestion, le règne de la bureautique va soumettre la vie quotidienne à des impératifs de temps, à des impératifs gestionnaires qui n'existaient pas dans cette sphère-là normalement. Enfin, en tout cas, qui existaient beaucoup moins. Donc, une espèce d'importation dans la sphère privée d'une logique entrepreneuriale, en fait. Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en septembre 79, justement, Valéry Giscard d'Estaing prononce un long discours pour expliquer que oui, il y a de très bonnes raisons de s'inquiéter de la généralisation à tout craint de l'informatique, mais que bien sûr, on va trouver un moyen de faire en sorte que ce ne soit pas catastrophique. En gros, il dit, mais on ne veut pas en arriver à l'extrême. Et l'extrême, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait la suprême aliénation, c'est-à-dire un écran qui permettrait de consulter tous les savoirs, toutes les pratiques, toutes les images devant lesquelles l'individu ne serait plus qu'un spectateur passif. Alors je vous cite comme le passage, drôle. Donc Giscard qui dit « Poussé à l'extrême, l'usage de la télématique pourrait être la suprême aliénation. L'homme deviendrait un consommateur d'images et de signes, placé devant un écran universel, capable de solliciter tous les savoirs, toutes les mémoires et tous les services. » Sacré Giscard. Quel visionnaire. Mais en même temps, Giscard a été élu quand même sur remoderniser la France. Ça a été aussi tout son discours de campagne en 1974. C'est ça qui est génial. C'est le président le plus jeune, le plus modernisateur, avec son meilleur économiste de France derrière lui, qui lui-même pointe le fait que nous allons devenir des ectoplasmes devant des écrans, en quelque sorte. Voilà, justement, le pendant de ça, c'est un autre article qui est très drôle, et c'est juste après les révoltes de 68, donc c'est en septembre. Il fait la publicité donc pour l'informatique. Il dit « L'ordinateur gouvernera ». Et il est interrogé. Et il dit « Mais en fait, donc dans le Figaro, hein, en septembre 68, et il dit « Avec les accords de Grenelle, on a fait n'importe quoi. La politique de demain, c'est pas ça. La politique de demain, c'est l'ordinateur, c'est-à-dire sa puissance de calcul qui permettra même de prendre les décisions politiques à la place des gens ». Et il disait, donc, une interruption d'une bonne douzaine d'heures avec une bonne équipe d'informaticiens aurait permis de mesurer, même imparfaitement, les incidences des accords sur le niveau de l'emploi, sur le montant des investissements. Et donc, il y a tout cet article où il explique qu'il faut vraiment laisser la place aux machines pour assurer une bonne gouvernance, comme on dit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu d'autres groupes à ta connaissance que le Clodo, donc groupe toulousain, qui se sont attaqués à ces ordinateurs? Et ma deuxième question, c'est, tu as cité le Clodo lui-même, hors le clodo, signer ses actes. Mais où c'est qu'on peut trouver des analyses du clodo? Des analyses, oui, effectivement. J'ai trouvé très peu de choses. Je sais qu'ils avaient une logique quand même, ils voulaient expliquer. Et ils ont envoyé systématiquement, à chaque fois qu'il y avait un acte comme ça, un incendie qui était commis, ils ont envoyé des lettres aux différents journaux. C'était pas systématiquement publié et les journaux avaient pas tellement intérêt à publier une argumentation raisonnable et intelligente de ce qui se passait. Parce que c'était bien verrouillé. Enfin, la dépêche, c'est pas la pire, d'après ce que moi j'ai trouvé. Enfin, en tout cas, dans les analyses du clodo, ça suscite quand même une certaine sympathie. Peut-être parce que c'est local, j'ai trouvé des articles de la dépêche où, ouais, ils expliquent quand même que c'est salutaire même. On peut rappeler que dans les années 80, au début des années 80, le rédacteur en chef de la dépêche était René Bousquet. Une des grandes raisons de l'informatisation, c'est aussi le fait que les parents responsables de gauche ou de droite ne voulaient pas, comme on dit, hypothéquer l'avenir de leurs enfants. C'est-à-dire, ils se disaient, mais si mon fils apprend pas tout jeune à utiliser l'ordinateur, il va être déclassé, on pourrait dire. Et c'est toujours la même logique qui régit l'équipement high-tech dans les familles. Hein. Mais même carrément dans l'éducation nationale, puisqu'aujourd'hui on voit que donc les ordinateurs rentrent même dans les maternelles pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. J'ai même vu un reportage il y a pas très longtemps d'un épiphénomène, mais bon, moi je trouve qu'il parle, quoi. C'est un instituteur qui enseigne à ses élèves l'écriture, donc dans primaire. Donc à des gamins qui sont CP, CE1, à bosser sur Twitter, par exemple, quoi. Oh man. Donc avec tout un argumentaire, de toute façon, c'est exactement le même argumentaire, de toute façon ils vont vivre dans ce monde-là, donc autant qu'ils apprennent tout jeune à pouvoir se servir de ces outils-là, et avec aussi des arguments pédagogiques, c'est bien pour apprendre à écrire, c'est ludique. Et aux éditions de La Lenteur, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « École, la servitude au programme », et c'est un pamphlet sur l'école numérique. Et les dernières choses qui se sont passées, puisque maintenant il y a la mise en place des ENT, c'est-à-dire les environnements numériques de travail. Et ça, c'est vraiment la numérisation de l'école, avec petit à petit la mise en place d'une sorte d'obsolescence de l'enseignant. Mais il faut que je te réponde, tu me demandais tout à l'heure, où est-ce qu'on peut trouver des textes du clodo? Voilà, où c'est que tu as trouvé l'expression du clodo? Est-ce qu'il y a eu des groupes qui ont agi pareillement en France? Alors, dans la revue Terminale dont je parlais tout à l'heure, que le clodo a qualifié dans son texte la moins inconsciente en matière d'informatique, a été publié une longue auto-interview du clodo. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ils sont probablement dit en 83, bon ben, on ne comprend pas, il y a rien qui sort, essayons d'expliquer. Et donc ils se sont interviewés tout seuls. Ils ont envoyé ce texte à Terminal, qui l'a publié intégralement. Et donc dans ce texte, on trouve toute une série de questions un peu humoristiques, quoi. Par exemple, ils se demandent à eux-mêmes, n'êtes-vous pas un peu rétro comme les casseurs de métier Jacquard? Mais le texte qu'on trouve dans la revue Terminale, c'est le même texte qu'on trouve dans cette publication publique qui a été sortie à Toulouse en 1983, qui s'appelle Toulouse la canaille. Exactement. Où plusieurs auteurs de plusieurs actions et de plusieurs sabotages expliquaient à la population le pourquoi de leurs actions. Oui, c'est texte. Exactement le même. D'accord. Texte. Oui. Et il y a eu donc d'autres groupes qui ont agi de la sorte? À ma connaissance, non, mais en même temps, je suis pas toulousaine, j'ai pas vécu cette époque, a priori je suis complètement extérieure à cette histoire. Quelqu'un m'a glissé à un moment donné, ah mais tu sais, il y a eu ce groupe à Toulouse qui s'appelle le Clodo. Et quand je suis allée ensuite à la BNF et que j'ai trouvé les unes de presse de l'époque, c'est-à-dire que, quand même, les attentats du clodo, ils faisaient la une de Libération, du Monde. C'était vraiment, à un moment donné, un signal d'alarme et ça a bien fait peur. Hein. Pour te donner un témoignage de tous les groupes qui ont mené des actions à ce moment-là à Toulouse, et le clodo avait une particularité, c'est qu'il y a eu pas mal d'actions antinucléaires, d'actions anticarcérales, d'actions anti-répression en général ou quoi. Le clodo, c'est le seul groupe, à ma connaissance, qui a gardé plusieurs fois le même sigle pour des actions. Donc dans cette espèce de tradition libertaire de propagande par le fait, d'action discrète, quoi, ça a eu un retentissement énorme dans la population. Tout le monde connaissait le clodo, outre que le sigle était génial, puisque c'était un jeu de mots. Mais les gens parlaient du clodo, on parlait du clodo au bistrot, à l'époque. Et alors justement, par rapport à ça, moi ce qui m'a frappé, c'est l'amnésie collective, en fait. Mm-hmm. Le fait que les gens de ma génération, ils peuvent pas avoir la moindre idée du fait qu'il y a eu un truc pareil. Pour moi, ça tombait de la lune. Complètement hallucinant de trouver ces unes, de voir que à un moment donné le pays est obligé de parler de ça et que ça c'était sur le devant de la scène. Est-ce qu'il faut informatiser nos vies ou pas? Et tout se passe comme si cette problématique avait complètement disparu, sauf sous la forme du fichage, puisque finalement c'est la critique maintenant qui a le monopole. Mmh. Et c'est ça qui t'a donné envie de balancer cet exemple-là pour reposer la question qui a été évacuée ? Et oui, complètement. Ou le sens... Demander à des gens qui, il y en avait quand même beaucoup, des gens qui ont, les années 80, c'est pas loin, quoi. Demander à tout le monde, est-ce que vous avez entendu parler d'un groupe au début des années 80 qui foutait le feu aux compagnies d'informatique? Mais personne s'en souvient, c'est quand même bizarre. Les gens ont lu la presse à l'époque, j'ai demandé à des journalistes. Ils s'en souvenaient pas. Et de nos jours, là, maintenant, 30 ans plus tard, déjà? Cette problématique, elle est reposée. Parce qu'il y a eu quand même cette espèce d'idéologie du progrès et de la technologie triomphante. Et on en est arrivé aussi à des cautères sur la jambe de bois, effectivement, du raisonnable, du durable. Mais il y a une remise en question qui n'existait pas avant quand même. Est-ce qu'il y a des perspectives? Moi, je suis assez pessimiste là-dessus. Parce que je m'aperçois, en ce moment, on travaille sur vraiment la question de l'agriculture avec des amis qui sont éleveurs et qui, par exemple... s'insurge contre le fait d'être obligé de mettre des puces RFID, des puces électroniques lisibles à distance sur les animaux d'élevage. Chaque mouton en France doit avoir sa puce électronique. Et ça va de pair avec, en fait, une informatisation programmée de l'élevage. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, quel métier, en fait, n'a pas son logiciel attitré? Et encore une fois, sous couvert de progrès, parce qu'on pourra tracer la viande, et tatati, et tatata. Exactement. Et mais, en allant voir ce qui se passe dans la, du côté de l'agriculture, du point de vue des nouvelles technologies, pour répondre à ta question, moi je m'aperçois que l'idée d'écologie, l'idée de durable, c'est le prétexte aussi pour mettre des nouvelles technologies. On a été voir un type de l'INRA dans une station expérimentale en Aveyron qui nous expliquait qu'il fallait absolument pas opposer l'agriculture bio aux nouvelles technologies, que c'était absolument complémentaire, qu'on pouvait faire de l'annulage bio avec un carnet d'annulage Wi-Fi, par exemple, et que ça allait de pair. Un carnet d'annulage Wi-Fi. C'est-à-dire que les saisies des données concernant les animaux transitent directement de la puce électronique de l'animal au lecteur. Et voilà, donc on peut noter toute une série d'informations sur la naissance des agneaux, etc. D'ailleurs, c'est la même machine qui se met en place quand on regarde la manière dont c'est orchestré tout ça, les structures d'État, la manière dont... C'est pas du tout le marché hein, qui organise l'informatisation, et c'est pas plus le marché qui organise les technologies, c'est l'État par le biais de financements très très importants et toute une structuration de la recherche pour accueillir ce progrès. Tu disais que t'étais pessimiste. Bon, moi aussi, je suis un petit peu pessimiste, mais il y a quand même, on peut quand même noter ces dernières années qu'il y a des groupes en France, notamment par exemple Pièces et Main d'œuvre, qui sont à Grenoble et qui sont battus. Il y a eu ces dernières années un débat public qui a été lancé par l'État, encore une fois, sur comment faire intégrer à la population donc justement ces nanotechnologies. Donc ce débat public a été perturbé un peu dans toutes les villes de France où il est passé. Il y a quand même encore une filiation de ce courant-là. Oui, je pense que les gens qui s'engagent sur ce front-là, ils se sentent effectivement une proximité, mais ça représente très très peu de gens. Et moi, je réponds plutôt par rapport à ce que je vois plus largement, parce que ça, c'est des petits groupes, c'est des gens, voilà. Et puis j'ai l'impression que c'est traité aussi de la même façon. Ça veut dire que les obscurantistes. Ouais, il y a 30 ans, ou même sans parler de ça, dire on comprend les inquiétudes d'une certaine partie de la population face à un outil dont on comprend mal les enjeux à venir, etc. Et qu'en fait, j'imagine bien que dans 30 ans, il y aura aucun écho du fait que des gens ont résisté à la mise en œuvre massive des nanotechnologies dans nos vies. Enfin, c'est de la même façon prendre en compte, tenter de prendre en compte des revendications tout en les étouffant complètement et en larguant en parallèle un discours massif sur c'est très important de pouvoir développer ces nouveaux trucs. Ouais, sauf que la visibilité médiatique de Pièces et Main d'œuvre, a priori, est beaucoup moindre que le clodo qui avait fait la une des journaux. Et oui, ils n'emploient pas les mêmes moyens. Mais de toute façon, moi, ce qui me frappe dans la mise en place de ces divers processus, c'est que ce soit l'informatique, que ce soit les nanos, mais avant que ce soit le nucléaire, c'est pareil. La mise en place, c'est pareil. Parce que même le nucléaire, il y a l'explosion de la bombe en 45. Il y a bien des choses avant. Joliot-Curie et consorts en France, c'était déjà des gens qui étaient actifs bien avant 45 sur ces projets-là. C'est une machine d'État qu'on nous a ensuite revendue en nous disant ça va faire le bonheur à tous les foyers. Et je me rappelle les pubs pas si vieilles dans les journaux qui disaient votre énergie est nucléaire, enfin, votre chaleur est nucléaire, votre fer à repasser est nucléaire, votre... Non, il est électrique, il est pas nucléaire. Mais on a fait la confusion des genres pour nous faire avaler ça. avant que ça devienne un intérêt économique, Areva, etc. Il n'y a qu'à voir la dernière campagne de pub d'Areva, hein, où c'est un monde merveilleux, nucléaire. Oh, une histoire qui n'a pas fini de durer. Oui, oui, ça, je trouvais ça très amer. C'est pas vrai, ils ont fait ça, une histoire qui n'a pas fini de durer. Mais oui, il y a eu une pub Areva sur le site de 89. Oui, je sais plus, une histoire qui va durer des millénaires, un truc. En fait, tout à fait vrai, quoi. Mais pour cette question des nouvelles technologies, maintenant, on peut pas ouvrir un journal sans avoir une espèce de propagande pour le numérique, et en même temps, les gens sont très friands, et tout se passe comme s'il y avait deux versants qui ne se rejoignaient jamais, c'est-à-dire le versant contrôle, alors tout le monde est contre le fichage, tout le monde est contre la rétention de données personnelles. Une des grandes victoires là, par exemple, là-dessus, sur le contrôle, c'est qu'on a réussi à faire passer dans la population l'auto-contrôle. C'est-à-dire que maintenant, avec des mon type Facebook ou et compagnie, on donne nos informations. Exactement. Mais le versant, l'autre versant, c'est qu'en même temps, les nouvelles technologies, l'électronique, c'est l'éclate, quoi. C'est trop bien. Et en fait, il y a plein de gens qui sont sur Facebook tout en disant qu'ils sont contre la politique Facebook. Et on le voit d'ailleurs aussi sur les puces nanotechnologiques, puisque les premières manières de faire entrer les puces dans la population, ça a été notamment une boîte à Barcelone pour, de manière ludique, pour que les gens s'approprient ce truc de mettre une puce dans le bras pour pouvoir payer. Donc t'as pas ton portefeuille sur toi, t'as pas ton sac et c'est fun en fait, quoi. Et tu peux pas te faire braquer. Mais bon, la puce RFID implantable aux êtres humains, pour l'instant, c'est un scandale, quoi. Même aux États-Unis, ça marche pas du tout, hein. Les gens n'en veulent pas, hein. L'opinion n'est pas prête. Il y a quand même des exemples, là, où c'est déjà fait, notamment sur les histoires d'enlèvement, par exemple, où, Il y a quelques exemples. On a parlé aussi pour les nouveau-nés en maternité. Mais l'entreprise Verichip, qui commercialise ces puces implantables aux êtres humains, ils se sont fait très sévèrement taper sur les doigts, et là, par une large frange de l'échiquier politique, en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a l'intérêt de continuer à dire, il y a des choses qui sont dangereuses, il faut faire attention, pour que ce soit un débat réappropriable par ceux qui décident. Se dire, non, quand même, c'est trop exagéré de mettre dans le bras des gens une puce RFID, tout à la fois de trouver ça complètement logique et tout à fait intéressant pour l'État d'avoir des puces dans les sacs de tout le monde, baladables en permanence, quoi. C'est toute tout le truc de continuer à utiliser des discours qui sont des discours de résistance à ces machines-là, pour en fait continuer à les mettre en œuvre par d'autres biais, quoi. Et là, on parle de contrôle, mais moi je trouve que, c'est la question dont j'aimerais bien qu'elle soit posée ce soir et qu'on en discute. C'est le fait que les gens maintenant sont amenés à passer leur vie devant un écran, que ce soit le truc portable ou le truc à la maison. Et au-delà du contrôle, même s'il n'y avait pas de contrôle, même si c'était tout ça a été fait par des gentils hackers avec des dreadlocks, et ben juste, c'est quoi ce genre de vie, voilà. Et le fait même que les gens acceptent de se priver du rapport avec le monde sensible, en considérant que finalement tous ces ersatz numériques, des choses sensibles, le livre numérique, la rencontre numérique, la discussion numérique, tout ça, finalement c'est presque pareil et c'est presque aussi bien. Et moi, mon impression, c'est qu'on est en train de s'appauvrir de manière terrifiante. Parce que, aujourd'hui, les choses numériques, c'est un peu le luxe. C'est-à-dire, c'est un truc qui a un peu été offert par les classes dirigeantes, en imitation aussi. Donc, Facebook, par exemple, c'était vraiment un truc de Harvard, des étudiants riches comme moyen de communiquer. Et en réalité, de plus en plus, on va s'apercevoir que la chose numérique, c'est la chose au rabais, en fait. C'est la chose auquel on aura obligation de recourir, parce que l'autre chose, la chose authentique, la chose sensible, tangible, elle sera devenue trop chère. Ça deviendra trop cher d'envoyer une lettre par la poste, donc on enverra un mail, on n'aura pas vraiment le choix. Ça deviendra trop cher et trop compliqué d'aller trouver un endroit en ville pour se rencontrer. Pourtant, c'est la chose au rabais, en fait. Maintenant, on est en train de faire croire aux gens, à mon sens, hein, ça c'est mon opinion, mais on est en train de faire croire aux gens que c'est un objet de luxe. En fait, c'est pas vrai, c'est le contraire. Parce que quand on interroge les gens sur ces questions-là, moi je le fais très souvent, par exemple, est-ce que vous préférez pas discuter avec vos amis dans une pièce, dans un café, que en ligne chez vous? En fait, ça vous prend presque autant de temps, quoi. Et les gens, ils répondent tous que bien sûr que oui. Puis c'est notre rapport au temps. Bien sûr. En fait, il y a très peu de gens qui sont vraiment à fond là-dedans et qui aiment l'écran à ce point. C'est une sorte de pis-aller. J'employais le mot prothèse tout à l'heure. Enfin, parce que j'ai posé avec des ados cet été. C'est impressionnant. Moi, ça m'a presque choqué, quoi, d'avoir c'est en permanence, en main, cet objet. ces objets-là, ils sont, c'est quand même des super pouvoirs. Moi, je trouve qu'il faut pas nier la puissance de ces machins-là et la, la puissance de ces trucs. Par exemple, de permettre de jouir des temps morts. Mmh. Pour paraphraser des vieux slogans. Mais c'est vrai, les temps morts que nous inflige un peu la société industrielle, la société de masse, avec les transports très longs, etc. Et les petits objets miraculeux qui viennent se greffer pile poil là et qui te proposent un jeu, qui te proposent de continuer à téléphoner ou de... Par exemple, le livre numérique, il me semble que ça, c'est assez... c'est une bonne illustration. Le livre risque de devenir un objet de luxe. Et donc, de la même manière que... Il y a beaucoup de gens qui téléchargent de la musique, bon, voilà, plus ou moins gratuitement, même si en fait c'est payant, mais à très long terme, et c'est payant de manière détournée. On commence pas faire la leçon aux gens en disant bah, non, télécharger des livres, ça pose problème, il y a plus d'objets. Mmh. C'est embêtant, quoi. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de moins 1, et on vient d'entendre Célia Izoar qui parlait de son article L'informatisation entre mise à feu et résignation, article qui parlait donc du CLODO, le comité pour la liquidation ou le détournement des ordinateurs, qui entre 1980 et 1983 voilà, incendié un certain nombre d'usines ou de sociétés d'informatique du côté de Toulouse. Je remercie Canal Sud, radio toulousaine, d'avoir effectué cet enregistrement qui a été réalisé donc en février 2011. Célia Izoar avait donc participé à cet ouvrage collectif coordonné par Cédric Biagini et Guillaume Carnino, Les Ludites en France, résistance à l'industrialisation et à l'informatisation. Un ouvrage paru aux éditions L'Échappée. C'est pas vraiment un livre de poche, hein, c'est un format moyen qui fait environ 350 pages. Et qui retrace justement l'opposition à l'industrialisation depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, jusqu'aux années 80, puisque l'article de Célia Izoar clôt ce recueil, donc avec voilà, plein d'aperçus historiques différents, d'articles, une bonne dizaine d'articles, une bonne douzaine d'articles même, je dirais, sur ces oppositions. Voilà, Célia Izoar évoquait donc le CLODO et l'auto-interview du CLODO dans la revue Terminal numéro 16 d'août 1983. Si vous voulez lire ce document, je l'ai reproduit dans le livret qui accompagne cette émission et dont je peux vous envoyer une copie par la poste. C'est une petite brochure de 20 pages au format A5 à prix libre que vous pouvez demander auprès de Trembert, Radio Zinzine, 04 300 Liman, en n'oubliant pas d'envoyer quelques timbres. J'ai aussi reproduit un article de Célia Izoar intitulé « Avez-vous déjà entendu parler du CLODO ?» qui est paru en octobre 2011, et également un article d'Arthur Fontenay, « La balade incendiaire du CLODO », un article qui est publié dans le journal marseillais CQFD en septembre 2017. De même que, la plus près de nous, du côté de Grenoble, l'incendie de la casemate, c'est un centre de une espèce de Fab Lab, un centre de bidouillage informatique qui est rattaché au centre de culture scientifique et industrielle de Grenoble et qui a été incendié en novembre 2017 et qui a suscité donc un certain nombre de commentaires, et notamment le journal Le Postillon, journal de Grenoble et de sa cuvette, dont je présente la parution régulièrement aux informations du mardi, eh bien, fait un article qui retrace un petit peu les différentes réactions qu'il y a eu à ça et qui propose une analyse assez critique de ce genre d'acte de sabotage de nos jours, puisque voilà, Le Postillon, même si ne désapprouve pas formellement cet incendie, trouve que bah, ça n'a pas servi à grand chose. Mais voilà, c'est un article d'une petite vingtaine de pages numérique. Mais qu'est-ce qu'on attend à propos de l'incendie de la casemate à Grenoble? Et là aussi, vous pouvez le recevoir si vous m'en faites la demande à Bertrand, Radio Zinzine, 04 300 Liman. Et donc, voilà, on n'a pas fini de parler de l'opposition à l'informatisation sur l'antenne de Radio Zinzine, puisque fin octobre 2018, du 26 au 29 octobre donc, Savournon, il y aura les rencontres Écran Total, un groupe qui s'oppose à l'industrialisation des métiers et des différentes professions. Si vous voulez en savoir plus, je peux vous envoyer le programme qu'on ne trouve pas non plus sur internet, je vous l'envoie en papier, ça fait 3 pages. Vous pourrez éventuellement assister à cette rencontre Écran Total si vous prenez contact aussi avec Radio Zinzine. Voilà, cette émission se termine et sur ce, je vous dis à la prochaine. Racine 2-1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.